Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Vous êtes bien avec Anne et Henri sur RKB pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gerio Arvué. On est rendu à l'émission 441. De quel mot tu vas nous parler aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, je vais parler d'un mot qui est très courant, mais qui a des sens assez différents. Alors c'est le mot « pèse ». Alors au départ, donc « pèse », hein, ça veut dire une pièce, un morceau de quelque chose, hein. Donc, c'est un mot masculin qu'on trouve également en gallois, en cornique, et même en irlandais, mais en irlandais avec un Q au départ, puisque tout ce qui est qui commence par P en breton commence par le son K en Q en irlandais, en gaélique. Hein. Pour des raisons linguistiques, je vais pas m'étendre là-dessus. Alors, piece, hein, c'est une pièce, un morceau. Ça peut être un pion, par exemple, dans un jeu. On l'utilise aussi pour dire les palais, par exemple, quand on joue au palais, hein, our piece. Voilà. Et il y a un diminutif, pésic, et alors le pluriel, c'est pésiou. Alors, nous, on dit péjou, hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'utilisations. Par exemple, on va dire, alors, pésoir, il y a une pièce de théâtre. Alors, ça a aussi parfois le sens pour renforcer, par exemple, pour dire or pesdain, hein, un sacré costaud, quoi, hein, or peslonde, hein, une sacrée bestiole, hein, voilà. Et il y a l'expression aussi, hein, unibes, qui veut dire en entier, voilà. Aussi, par exemple, quand on va dire pesegar, ce qu'il veut, hein, pesegar, hein, raidan pesegar, hein, donne-lui ce qu'il veut. Voilà. Alors il y a péjade aussi, qui est une partie de quelque chose, hein, une partie de quelque chose, c'est-à-dire un élément d'un ensemble. Voilà. Et aussi, par exemple, péjoudouar, des pièces de terre. Mais ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est surtout l'expression urpèze, hein, qu'on prononce pèse tout court, hein, dans le breton parlé, qui traduit ce que. L'expression ce que ou ce qui, hein. Par exemple, pesevelan, hein. Pesevelan, ce que je vois. Le contraire, pesnevelank, hein, ce que je ne vois pas. Pesnevekgweled, hein, ce qui n'est pas visible. Pesegaran, hein. Alors, justement, donc, comme il y a un petit a après pes, là, ça entraîne une mutation adoucissante, hein. C'est pour ça que, on va dire, par exemple, pesegaron, hein, le cas de carotte, hein, va donner un G. Hein. Pesegaron, ce que j'aime. Pesnegaranket, ce que je n'aime pas. Hein. Peseblichtin, ce qui me plaît. Pesneblichketin, ce qui ne me plaît pas. C'est très, très employé. Hein. Pesso aussi. Alors, souvent au début d'une phrase, hein, pesso, ça veut dire, c'est pour entamer une phrase, on va dire, ce qui se passe, hein, pesso, et après on parle de ce qui se passe, hein. Ça c'est très très courant en breton, hein. Voilà. On le trouve souvent dans les débuts de chansons, quand on annonce, ouais. on va raconter ce qui s'est passé, etc. Oui, voilà, pesso, voilà. Alors, pesowaran, ce que je sais, pesnowaran, ce que je ne sais pas, pesejonjon, hein, hein. Milard au pesejonjon, je dirais ce que je pense, hein. Pesegredan, hein, profession de foi, hein, ce que je crois. Hein. Il y a des gens qui écrivent des bouquins comme ça, qui ont ce titre-là. Je ne parle pas en breton, mais ce que je crois, c'est... voilà. Pesegredan, hein, et le contraire, pesegredanken, hein, ce que je ne crois pas. Pesowandol, hein, ce qu'il y a sur la table. Hein. Voilà. Alors, peso, j'ai déjà parlé, hein, très fort, hein, ce qui se passe. Pesehoulan, ce que je veux. Pesnehoulanket, ce que je ne veux pas. Pesegomprenan, hein, ce que je comprends. Et pesnegomprenanket, hein, ce que je ne comprends pas. Voilà. Et ben, ce que je comprends, c'est qu'on va s'arrêter là. Pesegredan. Merci Henri, on passe à la deuxième partie d'émission. Brezonek, temps matin. Thank you. Oui, alors donc aujourd'hui, on va aller à Zanto, là où vient d'avoir lieu le repas des anciens, le repas du club. Donc Chanik va rencontrer Louis Guyader, qui est le président du club. Alors on les écoute. Salut Louis, ma de jeu. Est-ce que tu glaimes, Chanik? La reddinta, Louis. Clévet me zoan déal près d'Arregos, Bazantolok? Ya, guiré, orvé je blar vegret, gant or lep, plus j'a dura 40. Bazantolok vegret? Ya, evel just, batifan, je peine quoi de vegret ar prit? A débet ma do peus? Fe ya vat, au bon ar digor kal on oa de djentan, hag au bon ar zoub en waler, a langue de bœuf gant bonnet d'où tous, hag rost evel just waler, a zaladen, a fourmage, hag on tant kounyan man gant ar hafe? Trauskan, pen ar fin. Oh, et que fait une chanique? N'est que mes d'orvige blanc. Appli j'adure Zobet. Non, chanique, et vel qui s'accustume. Quand on nous Zobet, à son DRS, très jeune gaule, accordéon, harmonica, ou que triste du. On passe à la traduction? Oui. Allez, salut Louis, ma de jeu. Oui, bonjour Louis, comment ça va? Ça va bien, quoi. De ce que te glaime, chanique? Oui, y a pas à se plaindre, de ce que te glaime. La ridintaille, Louis. Clévet meuse et Wandéal, près d'Arregos, Bazantolok. Oui, alors dites-moi, Louis, j'ai entendu qu'il y avait eu l'autre jour le repas des anciens, des vieux. Hein, Arregos, c'est les vieux. Hein. Mais en breton, c'est pas péjoratif. Arregos, Bazantolok. Ya, guiré. Leur véchobla avec Gret, Ganarlub, plija dur à 40. Oui, c'est vrai. On fait ça une fois par an, Arvéchobla. Hein. Alors là, c'est une forme passive, Arvéchobla avec Gret. Donc, une fois par an, c'est fait. Hein. Ganarlub, avec le club, voilà un mot qui est passé, qui a été bretonisé. Hein. Voilà, un mot français qui est venu d'ailleurs aussi. Hein. Et plus j'ai duré 40, hein, plaisir et amitié. Donc, ça, c'est le nom du club. Hein. Bazantolek, Végret. On fait ça à Zantolek. Hein. Il y a avec juste Batifanchpenquat et Végret d'Arpret. Oui, bien sûr, on fait ça, Batifanchpenquat, chez Fanchpenquat, hein, l'aubergiste bien connu, qui est déjà passé sur RKB d'ailleurs. À DB de Mad Opus. Et vous avez bien mangé? Elle est coquine parce qu'elle veut lui faire dire le menu. Fait Yavat, Arbon Ardigar Kalon et Wad Dagendan, Agarban Arzou Benoirler. Voilà, Fait Yavat, hein, ah oui, vraiment. Hein, donc, il y avait Orban Ardi Gorkal, on a un coup d'apéritif avant, de Djantan. Et puis après, un peu de soupe, hein, Orban Arzou Benoiler. À langue de bœuf, gambonnet d'outou sec. Voilà, à langue de bœuf. Alors, langue de bœuf, en un mot, hein, c'est devenu un mot, hein, en un seul mot, une expression, en fait, hein, bretonisée, langue de bœuf. Hein. Voilà, gambonnet d'outou sec avec des champignons. Agar rose vel jus warler, a zaladen, a fourmage, a gantam kouniamand, gant a rafé. Voilà. Et après le rôti, bien sûr, rost, hein, a zalade, et la salade, ça c'est bon pour la digestion, a fourmage et du fromage, et a gantam kouniamand, et un peu de kouniamand. Kouniamand, ça se traduit pas, hein, c'est kouniamand en français aussi. Mais à Paris, on dit kouniamand. Ouais, ouais, mais. Et à New York aussi, maintenant. Ouais, ouais, mais si on dit kouniamand, hein, c'est un gâteau qui est... Avec beaucoup de beurre. Oui, avec beaucoup de beurre, ouais. Oui, qui tient au ventre, quoi. Hein. Voilà. Avec le café, grand arrafé. Trauskan, ben arfin. Des choses légères, finalement. Là, elle se moque, elle persifle. Rikefen, Chanik, ne kemen Hervé Jambla. Voilà, alors ne vous moquez pas. Hein. Oberfen, c'est se moquer, hein. Chanik. On dit Obergoab aussi, hein. N'est que Médorvé, je blâme, ce n'est qu'une fois par an, hein, donc péché à moitié pardonné. Appli j'adure Zobet, demande Chanik. Voilà, et il y a eu du plaisir. Il y a Chanik, vers qui s'accustume. Oui, nous, Zobet, à Zanurès. Voilà, alors oui, Chanik, il y a eu, bon, comme d'habitude, hein, vers qui s'accustume, c'est une redondance d'ailleurs, hein, on dit deux fois la même chose, hein, comme d'habitude. Vers qui s'accustume. Quand Noé nous Zobet, il y a eu des chansons, à Zanurès et de la musique. Jeune Gaulle, accordéon, harmonica, donc évidemment ils ont tous les instruments, hein. Ils sont très doués à Zantol. Ils chantent. Hein, et ils chantent et ils jouent des instruments, très jeune Gaulle, clarinette, hein, c'est l'instrument du pays, l'accordéon et de l'harmonica aussi. Ne voit que triste, les gens n'étaient pas tristes. troisième partie d'émission, Petra Zoneve Ervro Eri. Ma calce drog zone Ervro, Boervé, je dis vous en, Krogon, de Diantan et Velcustum, Gandelar, Bourdou, Aragervu et Warermez. Ayons vraiment, ben, 10 carambs, bon, beta vraiment, un ambs reso Beclou à Roi, mameuse et betom, ben, mis Gwengolo, hag tostaram vraiment de Zorgouan, à Zorouar, chanche un ambs rentendeket, hag vouyin or un dro. Bon, vide l'arbre d'ouar, marrément zo bid madouar, velar en vide un trevadou, mais cas de gudé nous zo memestra, d'asquir ba Jocelyn, bon, ou accudé nous gan un petit larou mort, ba Jocelyn, justement, là, gad, hein, un petit gad, hag bon, radlan se débé d'un trou, mais j'y was cas d'une de scole de l'arbre. Hag bon, zézo n'draval, et vel juste, draistol, ba, ben, on tire vel Jocelyn, hein, l'air, ne ce que calze l'arbre, hein, d'elle. Bon, wardache un trévadou, maïs au bézère, trévras, madoir, de ce mesclève, d'agouel, rend, bon, qu'a et tout d'un maïs aux airs, bromon, bavro, hag dix se vos caves de boué, des vies de londe, de pas de gouan. Un déel, ou à diérien, vel bépla, voir diérien, à calze, zo bégouel, et calze dud, à calze diézec. Hag bon bedon hor an dro am eus kavet ze brav konkour a yezeg. Hag histin oan bad, histin rosted. Petur bepla ve kavet histin rosted hag bon, ze zo mat. Bon hag bon va gwell ar red ba voar diarien, hein, vel ba voar vulad zo bet kalz du de blanc meroaz. Warda chen ur politikerez, bon chouloar en trao ur mar eman, petur etramne de... Or votadego et vide de Camperigos, hein, puis du Rézé et Arsena. Mais presque de vos clèves d'un gouel roise politique corion au freshen, puis dur vos tosto votadego et vide d'un département chou à garant vroyo. Hag bon azene que quals clair un trou, hein, ou arank de pesabo de vos comptes, puis dur bon ne que clair un trou vide Antonio, hag ouais, le dvo pis sa mot dvo compte, puis on fait l'art de, un département, je, bon, de chaumont, que, gual belchin, bon, rendvro, fait que guar, roi, ça, a gué vos stock, bronon, et puis le vocat, je roi, ne vocat. Bon, gual arrête, zo calze, calze dro, un in qui est clair, ou ardachener politique, et razagar vota dégo. Bon, un DL, moi, comme je tard, de ce, Vanifesta de Guabé de vide une vanilleuse braise de l'arrêté de Goul et vide Goul VFB hashtag de Bronaunet de braise Hendel Agarstrol a dit Bob au rond de Zevel or Votadog Mano Barus de Bronaunet Zanvio Zo Piderley de Zanazer A Goul Vogandud ma une contente de chom ba broyo Ligue en Velvelard, Pétramon de Vond de Vreis. Ah, bah, fin de mise du, vos gradzi, une très grande de ce mise du, vos gradzi. En vota d'exé. Nevesso, bah, comme un député, tu vis chom wardache et leur politique, hein, bah, comme un député, doit bid de vote de lesen, videné à l'arguilles. Lesen, ze wakinig, quand on y trône, royal. Ils ont une cargue de ce nendro. Hag bon tram de mode, hein, lesen, mais vraiment, vous rêvez de lesen tram de Bacamberegos, c'est énorme, ma personne, hag azen et que tiens clair en trop, hein, puis dur, un tu crains, zo bromen ben tu gwen, bon, quel vos pesamo de vos con. Dans mon temps, wardache ne zévena dur bromen, un DL, ouais, t'en en an, Pierre Toulhoit, zo den, au narzour de Zevro, hem oa onegla a perugen, hag oa chom ba kemper, hag Pierre Toulhoit neus begred o bern trou, hein, bon trou in ower, trou in erhan, ceramiket, hag ivig gwerlivet. Da skwer an deus gred gwerlivet ve gwelet ba iliz melkarez. Ma trez en peu jonge, mais o no peus ke jonge, ka ouizo reyon, ba oa bet ed en tant ba iliz melkarez, ba bla, Trisegat Trugen, 1973, in Galak, hag pio a gren un tan arves, hag bon o fuse en deus un tan arves oa kwen war en doon, hag laken un tan ban doon, hag bon setu oa ed un tan ban ilis, hag an de gruez a gwerlivet oa bet strak tout, C'est-tu wahed bon vid hadzevel nilis had ober gwerlivet a oa begoulout gant pierre tout l'ouat ober gwerlivet hag un deus gred gwerlivet bra ou ker un bra tri ba ilis melkarez hag an sem du rein deus rand de velpe sa sort gwerlivet vige gred gant pierre tout l'ouat n'en ke me monde de ilis velkarez bon plus on compte de studes et de nanan, Maria Lambourg, en sens des rois Maria Marshall, mais tout du de l'art et Maria Lambourg aussi, leur plat de ce brovigouden, ce vrai des vaisseaux de nanan, quand la tribe la loi, puis tribe la quand, ma personne, avec bon 11 ou un 12 ans de plat, autour d'un ref, BMD, bah, brovigouden. Avec un arbre des bides, quand leur brudère, je vis de stall tipiak, j'en peux ma treize de si avec quoi le roi ça amène bon agor plar spiré de tré ou or plar c'est fentus spiré de bon im bande des bêtes des vaisseaux guerrière dur française vallée leur guerrière dur de ze braison de gazo pin vitré ag vraiment au moyen de brain leur guerrière dur ze vide do euro à do hugen bon, à revoquer votre calze droit, et bien juste, vide réseau d'idées, et quand on a un bon, et d'elle, puis bien, on commence de ce brésonne, que calze gentelio brésonne, que végrette, on tombe bébler bavro, blanc me végrette de bacalac, basan Nicolas barostren, à bromen vaudigour, de gentelio brésonne, que batré malgat. Bon, quand stall en osteliri, quand kevriligues en osteliri, ag bon, presting me sang, vos grèves d'ivé, bah, boulevriag, ag en sé, gwell arrête vraiment au moyen, dont de heuil kentelio présent, le quand tombe pébler, à zézomat. Wardash en religie, on n'aura pas Paul Hoer, à zobé de hangve d'un DL, d'énérus, galag, bienheureux. Jonge meuse, vigélarde de ce Charles Blaise, hein, ou à d'énérus, hein. Dîner ruse autre ou Charles Blay, quand il fait quand, bah, grâce. A gond dîner ruse n'est que d'orzon, hein, ma personne, et on dîne à zo lac de voir hint dans un télès, mais de n'est que trêve l'orzon me mestra. Bon, y a, Paul Hoer ou à être de Bob, ou à l'air, y en tri, Warnugan, Jean 23, une galac. Ag ze oa ba bla triugen, ag mar oa ba bla eis, non, triver a triugen, ya. Pelar in bad. Bon, setu un den e urus un bur. Bon, neus ke gwal bel zo, enfin, un de a ouman oa bet lid de Ugen Vla di, lise di oan ba karez, hein. Ugen Lasso, abbé d'Igor de lycée d'Iwan, Bacarès, à Zézobé, d'un droit, Eboué, Zével Juste, et vide, Heurbraison, de Gag, et vide, Orvro. Avec, chance, là, en dé, de Deren, un peu dur, lycée d'Iwan, Carès, au nom de Zeriwell, Anzo, Brohal, Bromen. Bacarès, vos prestiges, hein, au disco Ezadak, Diwar Ben, Bu et Yun Guernig, hein, Honors Bruded, hein. À dire, moi, j'ai obligé à dire de Hatclev de, quand, Ewan Guernig, hein, peut dire, vit dans le méwa au honneur de Zoridian, quand même. Bon, Pételar in Dachwas. on y, il y a, au labour Vest, on zo Begret, né vaisseau, quand, Jean-Jacques Monnier, à Razo Historour, avec, gand Olier Kaibot so film Roser hag un engred pladé enfin y a pladé nous de vel hein de téléfilm à personne hag bad tos de roer war histoire brise hag a raison moyen de vel hein ou film ze gand galag vide mare à vos gred pressing brise en ah, c'est tu ré niveau rond de muor drog ou war histoire braise halozela de until films hein. Bon c'est tu même vraiment tombe trop war pessonné ve bavro tregairi quel michel ya tiens norvégien